Salut, salut, salut, vous êtes bien sur Lost in Space pour la dernière de l'année civile 2017. Et oui, ça passe vite et bientôt nous serons en 2018. Comme toutes les années, on n'a pas l'impression que ça passe, mais c'est pas grave, nous on va continuer, on est encore là pour vous faire passer de bonnes soirées du dimanche dans cette émission purement rock'n'roll. Et on commence directement avec un groupe hollandais très très bien qui s'appelle les Eider Osiers. Allez, c'est parti.

OVNI en provenance de Bigou Records, label lyonnais bien sous tout rapport, You Can Dance est un croisement que seul le monde moderne mondialisé peut produire. Imagine un groupe rock, entre guillemets, ou post-rock, ou tout ce que tu veux, qui vient de Lyon et qui s'acoquine le temps d'un album avec une star de la musique traditionnelle d'Éthiopie. C'est vrai que depuis les collections éthiopiques et Mulatu Astatke, la musique éthiopienne n'est plus complètement ignorée ni inconnue dans nos contrées, mais là, le concept est poussé encore plus loin. On a ainsi un chant très roots accompagné par des sonorités très occidentales et électriques. Normalement, quand on parle de crossover, je me rappelle toujours la célèbre phrase « Le crossover, c'est quand tu prends le pire de chaque style pour le mélanger ». Mais rien de tout ça ici, car le résultat fonctionne à merveille. C'est hypnotique, groovy et à la fois raide comme de la musique savante, mélange du meilleur de la world music et des expérimentations sonores occidentales. J'en suis sorti tellement emballé que cela m'a rappelé les premières fois où j'ai entendu Fela pour une bonne grosse claque sur le museau. Yeah. en provenance de Philadelphie, de Guest, pourrait n'être qu'un groupe supplémentaire de power pop. Mais ils ont une particularité plutôt rare chez l'oncle Sam, même si Bernie Sanders a remis la gauche au goût du jour. Ils se disent communistes. Et oui, cher auditeur, pour les ricains, c'est un gros mot, encore plus gros que par chez nous, et ils l'assument pleinement en nommant leur mini-LP Red Scare, ce que l'on pourrait traduire par Terreur Rouge. Depuis Gang of Four, personne n'avait osé ainsi mêler politique gauchiste et rythme quasi cold wave, qui se transforme parfois en pop que l'on dirait sorti d'un album de B-sides des Smiths. Communistes ne voulant pas dire coincés au XXe siècle, ces jeunes gens sont ici des pros du réseau social, s'étant fait connaître par un usage massif, immodéré et surtout efficace de Facebook, qui leur a permis d'accéder à une notoriété toute relative dans leur bled natal avant de connaître, pourquoi pas, un succès en France. Troisième album pour ces Anglais de Yuck, qui semble vouloir faire un album karaoké 90s. Chaque morceau reprend un style populaire dans l'indie rock de l'époque, où c'était vraiment la mode de faire du rock dit indépendant. Donc au choix, on aura un titre proto-grunge, un ou deux vaguement shoegaze, quelques autres un peu lo-fi à la Lemonheads comme Stranger Things, et des derniers franchement plus pop comme I'm Okay. Alors, manque de personnalité ou révérence forcenée au groupe de cette époque? L'auteur de cette chronique laissera l'auditeur s'en faire une idée, surtout si le susdit auditeur n'a pas eu la chance ou malchance de connaître les années 90 en question. Grâce à ces 11 titres, les plus jeunes d'entre vous pourront opérer un survol rapide et complet de ce qu'écoutaient leurs grands frères ou parents au choix. Pour les autres, ce sera une belle occasion de faire un blind test à tous vos potes, et de se fendre la poire en voyant leurs têtes interrogatives du style « Mais putain, ce morceau, ça ressemble à Pavement et celui-ci, ça ressemble aux Pixies. » Au moment même où les Saints reviennent fouler les planches françaises, aux nuits sonores précisément, je tombe sur une autre perle australienne, les Velociraptors. Il faut dire que c'est finalement assez loin l'Australie et que l'on n'en a pas souvent des nouvelles, n'est-ce pas? Même si quelques labels s'évertuent à dénicher des pépites inconnues, je pense notamment à Bruit Direct avec le bel album de Sky Needle, la scène indie locale nous reste assez peu familière. Au premier contact, avec leur hit Ramona, on ressent parfaitement l'influence Saints au niveau du songwriting et de la guitare claire. Le potentiel est là sans problème, l'écriture est limpide et la production soignée, on croirait vraiment un tube en fait. Le reste de l'album est tout aussi agréable, ce qui surprend apparemment tous les critiques australiens. Velociraptor étant plus connu comme le champion du changement de line-up plutôt que pour le nombre de disques sortis, imaginez. Seulement un EP en 2010 et enfin un album en 2014. Par contre, durant cette période, pas moins de 15 musiciens différents se sont succédés dans la formation. On espère alors qu'ils ont trouvé la bonne formule et qu'ils vont développer leur côté pop légèrement bruyante, tout en conservant la même efficacité dans la simplicité. Malheureusement, pas de signe d'une éventuelle tournée européenne. Il va falloir se contenter de ce bon album pour l'instant. Une fois, on n'est pas trompé avec la provenance d'un groupe. Le nom de Sony and the Sunsets fait monter l'imaginaire Beach Boys et plages californiennes, les premières notes confirmant l'impression d'ensemble. Ces gars doivent être les petits-enfants de Brian Wilson, gagnés. Ils sont tous de San Francisco, qui même s'il fait un froid de canard au mois de juillet, n'en reste pas moins pour le Pékin moyen, l'archétype de la Californie. L'ambiance est au feu de bois sur la plage, avec des hipsters pieds nus dans leurs chaussures. C'est autorisé sur la plage et fortement déconseillé en ville, si l'on a un peu de goût, qui gratouille la guitare au milieu de filles énamourées. Et oui, nous sommes en plein dans le cliché, leur label revendiquant même l'appellation Beach Pop. En revanche, le même label y voit des réminiscences de Jonathan Richman, ce qui me laisse assez pantois pour être franc, car on ne retrouve pas le charme suranné et naïf qui fait la patte du Jojo. On retrouve par contre de réelles influences psychédéliques à la guitare, mais peut-être est-ce le terme ashram qui m'y fait penser, c'est le nom de l'album, pour une ambiance finalement assez hippie au final. La production, quant à elle, incorpore des éléments 80s assez datés, synthé limite cheap, plus des espèces de flutuos désagréables au bout de 10 secondes, comme sur Alice Leaves for the Mountains. Pas désagréable au final, ce disque plaira aux fans de West Coast, leur offrant enfin l'occasion d'écouter autre chose que Steely Dan ou Randy Newman en boucle depuis 40 ans. La solution venait du Canada. Bref, rappel des faits. Depuis trop longtemps, certaines mauvaises langues pointent du doigt un certain manque d'originalité des créations francophones, trop préoccupées à singer leurs modèles anglo-saxons sans développer une approche personnelle. On se rappelle la sentence de Coluche, Hugo Frey avait le choix entre le talent de Bob Dylan et son chapeau, et il a choisi le chapeau. D'un autre côté, se référer exclusivement à la variété française produit un résultat exaspérant pour tous les fans de rock'n'roll que nous sommes. On finit avec une production fadasse, des guitares toutes propres et une voix bien en avant, dans la plus pure tradition de Claude François. Tel est donc le dilemme du groupe francophone qui conduit beaucoup trop d'aspirants à sonner comme tous les autres groupes. Et c'est ici que surgit la dernière sortie de Casbah Records, les Canadiens de ponctuation qui semblent avoir trouvé la formule magique avec ce deuxième album. Et oui, nos cousins d'outre-Atlantique nous démontrent que l'on peut atteindre une éthique purement rock'n'roll sans renoncer à ses particularités et chanter en français. Plutôt bien d'ailleurs, avec des paroles inspirées et percutantes, dont le ton est donné par le titre « La réalité nous suffit ». Chant tranchant et acéré comme une lame punk, scansion rock'n'roll, tout est réuni pour que le public reprenne en cœur les refrains. Enregistré sur un Tascam analogique, la prod est aussi rigoureuse et précise que le chant, parfois lointain, cousin de Dominic Sonic. On oscille entre garage, surf music et rock aux frontières du krautrock, avec le même bonheur. J'ai beaucoup aimé les ajouts de synthé qui m'ont fait penser à leurs collègues eux aussi canadiens de Duchess Says, qu'on avait vu à Rockorama il y a quelques années maintenant. Dès le premier morceau, la magie opère. Le psychédélisme musical du morceau Peyote dominical se marie parfaitement au titre « Évocation de brume lysergique », plus ou moins légale. Loin d'être fini à l'issue des 10 titres, la fête continue sur scène avec une belle tournée française qui ne passera pas par l'extrême sud, mais j'ai l'air d'être le rare, d'être à le regretter. troisième album pour nos amis belges, les Tugs, qui viennent de Gand après une légère pause et une séparation momentanée. Et cela nous fait bien plaisir de les retrouver dans une bonne forme, avec une formule qui fonctionne toujours aussi bien. On navigue dans des eaux plus mélodiques que Garage Brut, l'énergie est canalisée au service des chansons, dans un très traditionnel et éternel mouvement de couplet-refrain. On pense parfois à la période assagie de Husker Du, avec les mêmes guitares saturées mais pas trop, une voix légèrement nasillarde à la Donald Duck. Après avoir ouvert sur un vrai manifeste power pop qui est Time to Pray, les 11 titres s'enchaînent sur un mid-tempo avec quelques perles de composition comme Barbie au déroulé tout en finesse quasi-pop. Cette volonté d'écriture se développe dans Sinner avec une petite guitare ligne claire mettant en avant la fragilité du chant. Pas étonnant alors de retrouver quelques instrumentations piano-clavier ou des titres Neil Youngesque qui pourraient sembler être les petits frères de Hey Hey My My. Entre parenthèses, petit clin d'œil à Hervé du lundi soir. Belle addition donc au catalogue Has-Been, paru peu de temps après Frost que l'on avait déjà bien aimé. Cet album gagne en consistance à chaque écoute en leur donnant une réelle personnalité et originalité. En peu de mots, du bel ouvrage. Et pour avoir la chance de les voir, cap sur la Hollande pour une mini tournée très bientôt. I'm Chacun de ces satellites, de par son importance, aurait pu être un monde à lui seul. California, over Alice, California, over Alice, yeah! secret police. They have come for your uncool niece. Come quietly to the town. You're the nice as a drawstring lamb. Don't you worry, it's only a shower. For your clothes is a pretty flower. Die on organic poison gas. Set the tents already in that. You will go, you will run. Au télescope, le spectacle était prodigieux. Jupiter était un globe multicolore et ocellé qui emplissait tout l'espace. I got a bad boy, I know it, I'm a bad boy, I got a bad boy. était impossible de se faire une idée de ses dimensions. Yeah. Orban ne cessait de se répéter qu'il avait 11 fois le diamètre de la Terre, mais cela n'était qu'un rapport sans réelle signification. What's up, you little jerks? Long time no see, huh? You ready to learn something? All right, now listen up, you little brats. All you's gotta do is start smoking, start drinking, start fighting, and keep on eating pizza. Lots of pizza. And then one day, you'll be just like us. Personal and the Pizzas. The greatest friggin' band in the world. All right, you ready to do this? Keep up the good work, numbnuts. This one's called Diet, Crime, and Delinquency! Et puis, en parcourant les informations contenues dans les bandes mémorielles de Karl, l'échelle véritable de ce monde lui apparut enfin avec évidence. Keep your seats, light your lights, any more fun. Nice and easy bingo. Nice and easy bingo. All the twos, 22. Two fat ladies, 88. Clickety click, it's 66. Kelly's eye, You're the winner, the winner every time. You can have a cuddly toy or a silly nodding dog, pop a ton of sweets or a plastic frog. You can have a can of ale, I see you're fond of that. You can even win a collar for your cat at bingo. At bingo. At bingo. At bingo. You got long legs and the rest is fair. I can bet your old man doesn't really care. Who's just sneaking out the door everybody night. He's in bed and sick of the sight of bingo. Shouting at the numbers, I'm waiting for them. Calls on bingo. On bingo. On bingo. On bingo. Come here every night, I never win a thing. I wish that I could win a great big ball of string. Then I tie you to your chairs, very, very tight. Switch off all the lights and then I say goodnight. On bingo. L'image représentait la surface déployée de la Terre, projetée sur le disque de Jupiter. Tous les continents et les océans ne semblaient pas, sur la planète géante, plus importants que l'océan Indien sur Terre. Parts of me are slowing down. Time is speeding up. À bien y regarder, le cinéma des origines à 1931 était bien plus riche. N'avait-il pas inventé à toute vitesse un langage autonome quand, de 32 à 78, le cinéma à dialogue avait cédé le terrain au théâtre filmé, puis au roman de gare stylisé. We'll be right back. maintenant nous arrivions, la troisième génération, ainsi qu'un machinisme sonore émancipé, autonomisé de la technique pour mettre en œuvre des silent movie bruitistes. Back to zero, à nous la planète. Il se gara, suivit les plaques indicatrices jusqu'au 1486, un truc en stuc avec une luge de Père Noël en néon sur le toit. De la lumière, une Forde d'avant-guerre dans l'allée. Un coup d'œil à la baie vitrée, Ralphie Kinnard en train de faire sa fête à une femme en peignoir. The music articulates a rage that all skinheads seem to share, but few seem able to put into words. The shaved heads, the polished steel-tipped work boots, the skinhead style, all provide a refuge in the vague code of conduct for a small segment of our alienated young. We believe in using our fists and our feet and our boots, our bodies. We don't believe in going around with guns and everything, because that's not for That's not really the skinhead way. It's a very rainy Sunday in New York, and we have come to CBGB's here in the Lower East Side because the skinhead movement is built essentially around a special kind of rock and roll music, the kind of rock and roll music that is performed here. And we come on Sunday because Sunday for skinheads is thrash day. Yeah. La femme avait le visage enflé. 35 ans environ. Elle battit en retraite devant Kinnard. Son peignoir s'ouvrit. Les seins étaient meurtris, les côtes lacérées. si forte, qu'une rage de vivre, qu'une symphonie éclate à feu de chant chez les uns. La la la la la la. Bud retourna chercher ses menottes, vit son émetteur-récepteur clignoter et décrocha. 4A31 à l'écoute. Bien reçu, 4A31, agression sur officier en service. Deux patrouilleurs agressés devant une taverne au 1990 Riverside. Six suspects en fuite, identifiés à partir de leur plaque d'immatriculation. Les autres unités ont été alertées. Bud se sentit défourmi. Les nôtres sont amochés ? Confirmé. Rendez-vous au 5314, 53e avenue, Lincoln Heights. Appréhendez Dinardo, D-I-N-A-R-D-O, Sanchez, 21 ans, mexicain, sexe masculin. Compris. Envoyez une voiture au 1486 Evergreen, blanc, sexe masculin, suspect et embarqué. Je n'y serai pas, mais ils le verront. Dites-leur que je ferai le rapport. Au placard du poste de Hollenbeck. So Hey!